إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc on va continuer aujourd'hui maintenant dans l'explication de ce qu'on a commencé à expliquer hier dans le livre du Cheikh Mohammed Al-Aqil, dans son livre qui s'intitule Al-Fitna wa Mawqif al-Muslim minha, c'est-à-dire la fitna et la position du musulman vis-à-vis de celle-ci. Et on a expliqué différentes catégories de fitna. Et mashallah, c'était un sujet très intéressant et très important à comprendre. On continue toujours donc dans cette même ligne, inshallah. Le Cheikh il dit an-naw' ath-thani min al-fitan al-'amma, les fitan qui sont générales, les différentes épreuves qui sont générales. Et on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Le Cheikh il dit wa hiya allati تصيب عامة الأمة ويصبح الإسلام وأهله منها في بلاء عظيم فيضعف الإسلام ويهون أهله وتداعى عليهم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها. وقد بدأت هذه الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا تزال في هذه الأمة إلى يومها هذا أو إلى يومنا هذا، وهي عبر هذه الأصول وما بين زيادة ونقص بحسب قرب الأمة من دينها. فإذا قربت الأمة من دينها خفت الفتن، وإذا ابتعدت زادت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le Cheikh il explique, il dit que les fitanes qui sont générales, ce sont les fitanes, les épreuves qui touchent cette umma en général, c'est-à-dire la umma en entier. Et que lorsque cette fitna frappe la umma, elle fait en sorte que l'islam et les musulmans, les pratiquants de l'islam, sont dans une épreuve énorme à cause de ça. Et ça fait en sorte que l'islam devient affaibli et que les musulmans sont, disons, humiliés à cause de ça, ou rabaissés à cause de ça. Et que les différents peuples et les différentes nations se rassemblent tous autour de la Umma, comme des gens s'assoient autour d'un plat pour manger. Hein? Donc c'est ça ce qui arrive. Et donc ça c'est basé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique que vers la fin des temps, c'est ce qui risque d'arriver, que les gens vont se rassembler autour des musulmans, un peu comme on se rassemble autour d'un bon plat de nourriture, chacun prend un morceau pour manger. Donc on est devenu un peu comme ça, Allah al-musta'an. Et ensuite il dit, et que ces fitnes, elles ont débuté depuis l'époque du prophète, depuis l'époque des sahaba, radiyallahu anhum, et elles vont continuer jusqu'à aujourd'hui, elles sont toujours là. Et selon les différentes époques, on voit que ces différentes fétanes, elles augmentent parfois et elles diminuent. Donc c'est pas quelque chose qui est toujours pareil. Des fois ça augmente, des fois ça diminue à travers l'histoire. Il y a des périodes dans lesquelles les musulmans, on voit qu'ils sont plus proches de leur religion, alors à cause de ça, les fétanes diminuent. Et il y a d'autres époques où les musulmans sont plus loin de leur religion, et donc à cause de ça, les fétanes augmentent. Hein? Et donc c'est relié avec l'attachement des musulmans au Coran et à la Sunna. Tout ça, ça a un lien direct avec le sujet de l'i'tisam. Le fait de s'accrocher, de se cramponner au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de s'accrocher au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih. Hein? Donc, le cheikh il dit, donc c'est relié avec l'attachement ou l'éloignement des musulmans par rapport à leur religion. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. إذ وهذا النوع من الفتن هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وأخبرهم بأسبابها وحذرهم منها ووصف العلاج النافع لها وكذلك فعل أصحابه رضي الله عنهم وهي التي نحاول في هذا البحث دراستها وبيان الموقف الصحيح النافع منها إن شاء الله. Donc, ces différentes sortes de fétanes, ce sont ce genre de fétanes, ce genre d'épreuves et de tests que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a craint pour sa umma. Et il nous a informé de ces causes et il nous a mis en garde par rapport à ces causes-là. Donc, ça c'est des explications que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a données à ce sujet-là. Il nous a également donné les descriptions du remède pour se guérir ou se sauver de ces différentes fitanes. Et de même que les sahaba, radiallahu anhum, ont fait la même chose. Donc le cheikh il dit que c'est le but de cette recherche, de cette recherche qu'il a fait dans ce livre, d'expliquer quelle est la position correcte et bénéfique pour que le musulman puisse savoir comment agir face à ces situations-là. الشيخ يقول وقد تكرر ذكر هذه الفتن في السنة كثيرا فمن ذلك عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال فقلت أنا قال إنك لجريء وكيف قال قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد وإنما أريد التي تموج كموج البحر قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أفيكسر الباب أم يفتح قال قلت لا بل يكسر قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب قال نعم كما يعلم أن دون الغد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. Donc ça c'est un hadith, le cheikh a mentionné quelques hadiths qui mentionnent justement les questions des fitan qui affectent la umma, et il y a le hadith de Huzaifa radiyallahu anhu. Il dit nous étions avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et il a dit lequel d'entre vous mémorise le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la fitna et de ce qu'il a dit à ce sujet. Il a dit moi. Alors il a dit moi, c'est-à-dire Fakultu Ana. Alors il a dit Omar a dit, yani tu as de l'affront. Hein? Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Omar a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi, qu'est-ce que dit le hadith? Alors il dit, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait que la fitna qu'un homme a, l'épreuve que l'homme a dans sa famille, dans ses biens, dans sa personne, dans son enfant, dans son voisin, tout cela est expié par le jeûne, la prière, l'aumône, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal. Alors Omar ibn al-Khattab a dit non, c'est pas de, ce, de cette fitna dont je parle. Je parle pas de ce genre de fitna. La fitna de, les, ça c'est les fitnes qu'on a parlé dans les cours hein, précédents. Omar il dit non, c'est pas de cette fitna que, de cette fitna que je parle. Je veux parler de la fitna qui vient et qui vient comme les vagues de l'océan. Hein, qui, la catégorie de fitan qui viennent comme des grandes vagues, comme les vagues de l'océan. Parce que les fitan, elles se suivent toujours l'une à la suite de l'autre, comme des vagues dans l'océan. Et des fois, il y en a une qui est plus grosse, il y en a une qui est plus hein, petite. Donc, il lui demande au sujet des grandes fitan, des fitan générales. Alors, il dit, yani. Et pourquoi tu veux la connaître, ya Amir al-Mu'minin? Pourquoi tu demandes au sujet de cette sorte de fitna? Il dit, pourquoi tu veux savoir au sujet de cette fitna alors qu'il y a une porte entre toi et celle-ci? Il y a une porte entre toi et celle-ci. Alors, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, est-ce que cette porte, elle sera brisée ou ouverte? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un va la briser, va la défoncer, ou bien quelqu'un va l'ouvrir seulement. Alors Hudhayfa a dit non, elle sera cassée. Hein, on va la briser cette porte. Donc Omar a dit dans ce cas-là, c'est certain que une fois qu'elle sera cassée, alors on ne pourra plus jamais la fermer. Hein? Et il a dit alors, nous, on a demandé à Hudhayfa, est-ce que Omar savait qui était là-bas la porte, qui représentait cette porte? Il a dit oui, il savait qui représentait cette porte, comme il sait que le lendemain il y aura une autre nuit. C'est-à-dire il était certain de qui cette porte-là était. Et les gens qui étaient présents ont dit on avait l'intention de demander, ou on voulait demander à Hudhayfa qui était cette porte, de qui on parlait en désignant, qu'est-ce qui était désigné par cette porte. Et on a demandé à Masrouq de demander à Hudhayfa qui était cette porte, qui était désigné par la porte en question, qui sera cassée. Et Masrouq a demandé à Hudhayfa, et il a répondu que c'était que cette porte-là, c'était Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. C'est-à-dire que cette porte-là, c'est la mort de Omar ibn Khattab. Après Omar ibn Khattab, c'est là que les fitnes sont apparues encore plus dans la Ummah. Après, il y a eu l'assassinat de Osman ibn Affan, puis il y a eu d'autres fitnes qui sont arrivées. Donc, ça, c'est des exemples de ce genre de fitna. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim dans son Sahih. Et le Cheikh dit ensuite, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانٌ لِنَوْعِي الْفِتَنِ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ وَأَنَّ الْخَاصَّةَ هِيَ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فِيمَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْ زِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ تكفرها الأعمال الصالحة وأن المصيبة العظمى والطامة الكبرى هي الفتنة العامة التي تموج موج البحر فتضعف الأمة وتفرق ويضرب بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا حتى تكون كالغنم الشاردة وسط واد من الذئاب بلا راع ولا حافظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الفتنة هي التي سأل عنها عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بها حذيفة وهو المشهور بين الصحابة رضي الله عنهم بمعرفة أمر الفتن وسبل النجاة منها وذلك لكثرة سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عنها وسأبين في المباحث القادمة أمر هذه الفتنة وسبل النجاة منها إن شاء الله. Donc le cheikh il explique donc que dans ce hadith il y a en fait l'explication des deux catégories de fitan, celles qui sont particulières pour les personnes dans leur personne, dans leur vie personnelle, et les fitan qui sont générales pour la umma tout entière. Et les fitan particulières, comme on l'a expliqué, c'est les fitan qu'une personne a par rapport aux choses, aux belles choses de la dunya, et ça c'est des fitan qui sont expiées par des bonnes œuvres qu'on peut faire. Et la grande fitna, le grand problème, la fitna générale, celle qui vient comme les grandes vagues de l'océan et qui affaiblit la umma et qui divise et qui fait qu'elle se frappe, une partie frappe l'autre et chacun chaque partie de la umma vient une contre l'autre, ça c'est l'autre catégorie de fitna qui est générale, qui fait en sorte que quelqu'un il est un peu isolé et égaré comme un mouton qui est perdu en plein milieu d'une vallée remplie de loups et il n'y a personne pour le protéger ni pour le garder. Donc ça c'est l'exemple que le cheikh il donne par rapport à ces fitnes. Il dit que c'est de cette fitna là que Omar radiallahu anhu a questionné Hudhayfa, et Hudhayfa c'était un parmi les sahaba qui était connu comme étant quelqu'un qui connaissait bien ces questions là. Pourquoi? Parce qu'il posait toujours les questions à ce sujet là au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demandait toujours sur les fitnes. Il y a un hadith qui est très célèbre de Hudhayfa, et Hudhayfa il dit au tout début de ce hadith كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc c'est pour dire que Hudhayfa il dit que les sahaba avaient l'habitude de demander au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم au sujet des bonnes choses. Tandis que lui, non, c'est le contraire. Il demandait toujours à propos des choses mauvaises, parce qu'il avait peur que le mal l'atteigne. Donc il voulait se protéger contre le mal. Et donc il demandait souvent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des fitanes, et comment faire pour s'en protéger, comment faire pour s'en sortir. Et donc le cheikh il explique, il dit, c'est ce qu'on va essayer de clarifier dans les chapitres suivants. Ensuite, dans le prochain point qu'il explique, c'est les causes des fitanes. Asbab al-fitan. Cheikh dit, من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم هملا بل خلقهم لعبادته وأرسل لهم رسلا يعلمونهم عبادته وينذرون العاصي ويبشرون المطيع ووعد الله سبحانه وتعالى من أضاع رسله بالأمن التام في الدنيا والآخرة وتوعد من عصاهم بالخسران في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il explique, pour commencer il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas créé la création inutilement ou en vain, sans but, sans sagesse, sans raison. Il ne les a pas laissés comme ça, sans obligation, sans responsabilité, sans devoir. Il les a créés dans le but d'être adorés par celles-ci. Allah a créé les créatures pour que les créatures l'adorent. Et il leur a envoyé des messagers pour leur enseigner comment l'adorer. Et pour les avertir, c'est-à-dire pour avertir les gens qui désobéissent à ses ordres, et pour donner la bonne nouvelle à ceux qui obéissent à ses ordres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui obéissent et qui obéissent à lui et à ses messagers qu'ils auront la sécurité totale dans cette dunya et dans l'au-delà, et il a menacé ceux qui désobéissent à ses ordres et à ses messagers qu'ils seront les perdants dans cette vie et dans l'au-delà. Et donc, on peut comprendre juste par cette introduction que le cheikh fait, que en fait, cette vie-là, ça c'est la sagesse derrière l'objectif de notre existence, le but de notre existence, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est normal qu'il y ait des épreuves et des tests. On ne peut pas juste espérer qu'on va vivre sur cette terre comme si on était au paradis. Et c'est ce que les koufars, eux, souhaiteraient. Ils souhaiteraient que cette vie-là, sur terre, ce soit comme le paradis. Hein, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de faim, qu'il n'y ait pas de pauvreté, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait que l'harmonie tout le temps. Hein. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu ça. Il n'a pas voulu ça parce que justement, il veut mettre les hommes à l'épreuve. Il veut mettre les hommes à l'épreuve et récompenser ceux qui le méritent et punir ceux qui le méritent. Pour faire sortir en fait le meilleur de ce qu'il y a de bon en ceux qui aiment le bien et pour faire apparaître les gens du mal. Donc il dit, « وَقَالَ تَعَالَى قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. Donc le cheikh il mentionne deux versets. Le premier verset, c'est le verset 38-39, les deux versets qui sont dans Surat al-Baqarah, 38-39, qui mentionne en fait Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait sortir yani nos premiers parents du paradis, il leur dit, descendez tous sur la terre, et si jamais, lorsque je vous envoie une guidance, et que vous recevez une guidance de ma part, quiconque va la suivre, il sera bien guidé. Hein? Quiconque suit ma guidance, il n'aura aucune crainte et ils ne seront pas attristés non plus. Mais ceux qui rejettent la foi et qui traitent de mensonges nos signes, ceux-là seront les compagnons de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Et dans les autres versets qu'il mentionne dans Surat Taha, de 123 à 127, il dit, et descendez tous, hein? C'est-à-dire, descendez tous du paradis, descendez tous sur la terre. Vous allez tous être les ennemis les uns des autres. Et si une guidance vous vient de ma part, celui qui suit ma guidance, il ne sera pas égaré ni attristé. Hein? Mais celui qui se détourne de mon rappel, il aura une vie misérable et il sera ressuscité au jour de la résurrection. Aveugle. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Alors Allah subhanahu wa ta'ala répond, il dit, de la même manière que nos signes te sont venus et tu les as oubliés, tu les as laissés de côté, alors de la même manière tu es oublié aujourd'hui, on t'oublie de la même façon. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala rétribue celui qui a transgressé et qui n'a pas cru en les signes de son Seigneur, et le châtiment de l'au-delà est plus dur et plus long encore, plus durable. Le cheikh il cite le tafsir de ce verset par l'imam Ibn Kathir. Il dit, قال Ibn Kathir رحمه الله ومن أعرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي وأعرض عنه وتناساه وأخذ من غير هداه فإن له معيشة ضنكا أي في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى يقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضيق المعيشة أو من ضنك المعيشة. Donc le cheikh explique, il dit que l'imam Ibn Kathir rahimahullah, il dit celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit celui qui s'est détourné de mon rappel, ça signifie celui qui contredit mon ordre, celui qui contredit mon ordre, qui contredit ce que j'ai révélé à mon messager, celui qui se détourne de cet ordre et qui l'oublie ou qui fait exprès pour l'oublier, hein, et qui prend autre que ma guidance, alors il aura une vie misérable dans cette dunya. Le cheikh, il dit, c'est-à-dire il n'aura aucune tranquillité dans son âme, dans son cœur. Son cœur ne s'ouvrira, sa poitrine ne sera pas épanouie et ouverte. Au contraire, sa poitrine sera serrée, étroite, à cause de son égarement. Même si en apparence, il goûte à tous les délices et à tous les plaisirs, et qu'il porte tous les vêtements qu'il désire, et qu'il mange tout ce qu'il veut, et qu'il habite là où il veut. Parce que son cœur n'a pas été purifié, n'est pas rempli de certitude et de guidance. Alors il est toujours dans les troubles intérieurs, dans la confusion, dans le doute, dans les problèmes qu'il a en lui-même. Sa conscience, elle n'est jamais en paix. Il est toujours dans le doute, dans l'hésitation. Et c'est ça la vie misérable. Donc il ne faut pas s'imaginer quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ma'ishatan danka, que c'est une question de richesse ou d'argent ou de belle vie matérielle. On parle ici d'une vie misérable sur le plan de la foi, yani, et du cœur, de la vie du cœur. Puisque la personne qui est égarée et qui se détourne du rappel d'Allah, même si elle jouit de tout ce qu'elle peut avoir dans cette dunya comme plaisir et comme jouissance, elle ne vit pas ce bonheur-là dans son cœur et à l'intérieur d'elle-même. فهذه الآيات تبين السبب الأعظم في فتنة الأمة العظمى ألا وهو بعدها وهي بعدها عن هدى ألا وهو بعدها عن هدى الله الذي من تمسك به أمن وسلم في الدنيا والآخرة ويمكن أن نفصل في الأسباب ونقسمها إلى قسمين القسم الأول الأسباب الكونية والقسم الثاني الأسباب الخاصة البشرية. Donc on voit que ces versets-là, ils expliquent en fait la plus grande cause de la fitna dans la umma, la grande fitna, et c'est une fitna après laquelle il n'y en a pas d'autre. C'est la fitna d'être éloigné de la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette guidance, bien entendu, celui qui s'y accroche, il est sain et sauf dans cette dunya et dans l'au-delà. Et donc on peut diviser les causes de la fitna en deux catégories. La première, c'est les causes qui sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala dans la création et qu'il a prédestinées. Et la deuxième catégorie, c'est les causes qui sont particulières, qui sont humaines. Le cheikh, il dit, القسم الأول الأسباب الكونية المراد بالأسباب الكونية الأسباب الخارجة عن قدرة البشر التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة والتي جعلت كذلك علامة أو علامة على الفتنة العامة فإذا وقعت هذه الأسباب وقعت الفتنة العامة فمن هذه الأسباب السبب الأول إظهار حكمة الله وعدله في ابتلاء الناس بعضهم ببعض ليحيي من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. Donc le cheikh il explique que la première catégorie c'est les causes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'univers, les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestinées. Et ces causes là en fait qu'est-ce que ça signifie? Comme le cheikh il l'explique, c'est les choses qui sont en dehors du pouvoir de l'homme, les choses que l'on ne peut pas contrôler, que Allah a prédestinées et qui arrivent, qui sont mentionnées dans son livre ou bien mentionnées dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est en fait, ce sont des signes en fait qui indiquent la fitna qui est générale. فإذا وقعت هذه الأسباب وقعت الفتنة العامة. Donc lorsque ces causes-là arrivent, donc la fitna générale se produit. La première cause des fitnes, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala montre sa sagesse ou fasse paraître sa sagesse et sa justice dans le fait de mettre les hommes à l'épreuve les uns par les autres. Dans le fait de mettre les hommes à l'épreuve les uns par les autres. Pour que celui qui vit, hein, celui qui vit, eh bien, il vit sur la preuve et l'évidence claire. Et celui qui va périr sur une évidence et une preuve claire. Donc, ça veut dire celui qui va il va rester en vie après avoir eu la preuve que il est sur la guidance. Hein. S'il suit la guidance avec preuve, et celui qui s'égare, il suit l'égarement, et au jour de la résurrection, il n'a plus d'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit le cheikh, قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه وقدره لعلمه التام وحكمته النافذة أن من خلقه وأن من خلقه من يستحق الجنة ومنهم من يستحق النار وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس وله الحجة البالغة والحكمة التامة. Donc le cheikh il mentionne ce verset, le verset 118 et 119 dans sourate Hud. Et dans ces versets là Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et si ton Seigneur voulait, il aurait fait de l'humanité ou des hommes une seule nation. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il aurait fait des hommes une seule communauté. Ils les auraient tous fait des croyants s'ils voulaient. Mais ils continueront toujours à être divergents, excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Et c'est pour cela qu'il les a créés. Et c'est ainsi que s'est accomplie la parole de ton Seigneur lorsqu'il dit qu'il allait remplir l'enfer, il allait remplir le paradis et l'enfer des hommes. Il allait remplir l'enfer et le paradis de tous les hommes. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné ces divergences-là. Et bien entendu, c'est pour les mettre à l'épreuve. Et ça fait partie de sa sagesse. Il les a créés pour ça. Et il mentionne le tafsir à ce sujet-là de l'imam Ibn Kathir, dans lequel l'imam Ibn Kathir dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que tout ce qui arrive, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne entre les hommes comme divergence, ça fait partie de ce que Allah a décrété et de ce qu'il a prédestiné. À cause de sa connaissance complète et de sa sagesse, parce qu'il sait très bien que parmi ses créatures, il y en a qui méritent le paradis et que certaines de ces créatures-là méritent l'enfer. Et il doit remplir l'enfer de ces deux catégories-là, des djinns et des hommes. Et il a l'argument et la sagesse totale à ce sujet-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns, il a créé les hommes, il a envoyé les livres, il a envoyé les messagers, il a averti les gens, il leur a expliqué qu'est-ce qui était promis s'ils obéissaient et qu'est-ce qui était promis s'ils désobéissaient. Il leur a expliqué ce qui les attendait dans l'au-delà. Par la suite, chacun est éprouvé et chacun est mis à l'épreuve et testé. Et ensuite, bien entendu, la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala est établie sur les hommes. Et ils n'ont plus d'excuses par la suite, hein, pour qu'est-ce qui se produit. Le Cheikh dit « Wa hadha alladhi jara fi ummati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hiya sunnatuhu subhanahu wa ta'ala fi al-umami qablaha. ليميز الله الخبيث من الطيب ولذلك قال سبحانه عقب الآية السابقة عقب الآية السابقة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. فدلت هذه الآيات أن ابتلاء الله أو أن الابتلاء سنة الله في الأمم الماضية وهو سنته في هذه الأمة. ولذلك قص الله أخبار الأمم الماضية وأحوالهم مع أنبيائهم ليكون له صلى الله عليه وسلم بالماضيين من الأنبياء والمرسلين أسوة وقدوة ثم بشره بحسن العاقبة له ولجنده المتمسكين بهديه السائرين على سنته. وقد أنجز الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره وأيده وجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى والله عزيز حكيم. Donc la suite de la parole de l'imam Ibn Kathir, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait en sorte que dans la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il y ait les mêmes règles et les mêmes choses qui se sont produites par rapport à qu'est-ce qui est arrivé aux autres nations qui ont précédé, hein, avec les messagers qui ont précédé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé aux peuples qui nous ont précédés? Eh bien, c'est qu'est-ce qui nous arrive à nous aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met à l'épreuve de cette manière pour distinguer entre le bon et le mauvais. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait suivre les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure dans Sourate Hud par les versets suivants après, 120 à 122, dans lesquels il dit, et nous t'avons mentionné les informations des autres prophètes qui sont venus avant toi pour raffermir ton cœur par ces histoires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne qu'est-ce qui est arrivé aux autres prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour raffermir le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, et pour également apaiser sa tristesse parfois face au rejet de son peuple et face aux épreuves qu'il subit également face à son peuple et face à ceux qui rejettent la vérité. Waja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil-mu'minin. Et il t'est venu dans celle-ci la vérité et une exhortation et un rappel pour les croyants, et dit à ceux qui ne croient pas, faites vos œuvres là où vous êtes, et nous faisons nos œuvres. Et attendez, et nous également sommes parmi ceux qui attendent. C'est-à-dire, attendez, et au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va trancher entre les hommes. Il dit, ces versets-là sont des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sunnah. Hein, il a une loi, une règle qu'il suit, et les épreuves qui sont arrivées au peuple précédent, eh bien, elles vont arriver également dans cette umma aussi. Et c'est pour cette raison-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'est-ce qui est arrivé au peuple précédent et comment ils ont agi envers, avec leur prophète pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait un exemple et un modèle à suivre dans ce qui est arrivé aux autres messagers et aux prophètes qui l'ont précédé. Et en même temps, il y a aussi dans ça une bonne nouvelle, une bonne annonce, que les gens qui sont avec lui et qui défendent la vérité et qui font partie, yani, de l'armée des croyants, qu'ils auront la bonne conclusion et la bonne fin. C'est-à-dire ceux qui s'accrochent à sa guidance, hein, et qui suivent sa sunna. Et Allah, certes, a accompli sa promesse à son messager et à ceux qui l'ont secouru et qui l'ont supporté, et il a fait en sorte que sa parole soit la plus haute, hein, et que la parole des mécréants, la parole de ceux qui ont rejeté la foi, soit celle qui est la plus basse. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes puissant et sage. والآيات التي تدل على أن الابتلاء سنة الله في خلقه وله سبحانه وتعالى الحجة البالغة والحكمة التامة والمشيئة النافذة لا معقب لحكمه ولا راد لأمره سبحانه وتقدس الآيات في ذلك كثيرة منها قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما دل القرآن على ذلك دلت السنة على ذلك. Donc le cheikh il explique que il y a plusieurs versets dans le Coran qui indiquent que Allah subhanahu wa ta'ala donc il fait que sa création soit éprouvé de différentes façons, comme on l'a mentionné, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la preuve, établit la preuve contre sa création, et c'est pour cette raison-là qu'il les met à l'épreuve de cette manière. C'est pour établir contre eux la preuve, et il y a une grande sagesse dans la façon dont il fait les choses. Rien ne peut venir contre son jugement et rejeter sa décision ou son commandement. Et il mentionne les versets 214 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: est-ce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis et que vous n'allez pas recevoir ou avoir comme épreuve ce que les autres nations avant vous ont eu comme épreuve et comme test? Ils ont été touchés par les malheurs et les difficultés, et ils ont été secoués et ébranlés jusqu'à ce que le messager et ceux qui ont cru avec lui disent: quand est-ce que viendra la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et certes, la victoire d'Allah est proche. Et il mentionne d'autres versets dans ce sens-là. Est-ce que vous pensez que vous allez être laissés, hein, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ait su lesquels d'entre vous vont lutter, hein, réellement? Donc, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse savoir qui sont réellement ceux qui vont lutter avec leur personne et leur bien dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre la vérité. Et le verset 1 à 3 dans Surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, est-ce que les hommes pensent qu'ils seront laissés, hein, seulement à dire nous croyons et qu'ils ne seront pas éprouvés? Certes, nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, ceux qui étaient présents avant eux, pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse savoir ceux d'entre eux qui ont été véridiques et ceux qui ont menti. Et il y a beaucoup de versets comme ça, et il y a des hadiths également à ce sujet-là. وما جاء عن جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبس شيع أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. Donc il mentionne parmi les hadiths qui parlent de ça des exemples comme qu'est-ce qui est rapporté selon Jabir ibn Abdullah al-Ansari رضي الله عنه. Il dit lorsque le verset suivant, c'est-à-dire le verset 65 dans Sourate Al-An'am a été révélé, c'est-à-dire le verset qui dit c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala al-Qadir, celui qui est capable de faire qu'un châtiment vous atteigne de par-dessus vous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit je cherche refuge en ton visage. C'est-à-dire, il cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et en son visage. Ensuite, la suite du verset, ou bien dessous leurs pieds, c'est-à-dire un châtiment qui les atteint par en dessous de leurs pieds. Il a dit, je cherche refuge en ton visage. Ensuite, il a mentionné la suite du verset, ou qu'ils soient divisés tous chacun en groupe et qu'ils se frappent les uns les autres. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et ça c'est moins dur et plus facile. C'est-à-dire moins pénible et moins difficile. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Il dit, وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Donc ça c'est un hadith qui est apporté par l'imam muslim selon Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu de Al-Aliyah, une région probablement qui est à Médine ou bien quelque part comme ça, et il est passé devant la mosquée de Bani Muawiyah. Il est rentré dedans et il a fait rak'atayn, il a fait deux rak'ats. Et les sahabas ont dit qu'ils ont prié avec lui. Et il a invoqué longuement son Seigneur, puis il s'est tourné vers eux et il a dit, j'ai demandé trois choses à mon Seigneur. J'ai demandé trois choses, il m'en a donné deux et il m'a refusé la troisième. Donc il m'a refusé une d'entre elles. J'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne fasse pas périr ma umma par la famine, et il m'a exaucé. J'ai demandé qu'il ne fasse pas périr ma umma par la noyade, et il a exaucé. Et j'ai demandé à mon Seigneur qu'il ne fasse pas ma umma se frapper une partie contre l'autre, et il me l'a refusé. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان 90 أو 100 وقيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة وفي رواية كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي رواية أخرى كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وقوع الفتن العظام في الأمة وأن الأمة سيصيبها ما أصاب الأمم السابقة قبلها من فتن عظام وفرقة وهرج ومرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le Cheikh il mentionne ensuite un autre hadith qui est rapporté selon Zainab bint Jahsh radiallahu anha. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré un de ces jours et il était yani en colère ou il était yani choqué et il dit la ilaha illallah, malheur aux arabes d'un mal qui s'approche et il mentionne que la muraille ou la barrière qui retient Ya'juj et Ma'juj a été ouverte d'une distance ou d'une certaine ouverture et yani, il dit ensuite on a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous allons périr alors que parmi nous il y a les pieux et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit certes oui lorsque le mal ou le mauvais est trop grand donc dans ce cas-là, les gens vont périr même s'il y a des pieux parmi eux. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Et selon Abi Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes ou 72 sectes et que les chrétiens se sont divisés en un nombre pareil à celui-ci et que ma umma va se diviser en 73 sectes. Et dans une autre narration, qu'elles seront toutes en enfer excepté une, et c'est la Jama'a. Et dans une autre narration, qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Et on a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle sera, yani laquelle ne sera pas en enfer. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est ce que je suis moi-même et mes compagnons. Donc, ces hadiths-là nous montrent qu'il y aura de grandes fitanes qui vont arriver dans la Ummah, qu'il va y avoir de la division dans la Ummah, qu'il va y avoir des groupes de la Ummah qui vont se frapper les uns les autres. Tout ça sont des hadiths qui montrent que ces choses-là vont se produire, qu'il y aura des sectes et des divisions et yani, des groupes qui vont se tuer les uns les autres. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى وقوع هذه الفتن كونا أن الإنسان لا يعالجها بما شرعه الله من الأسباب المنجية. فإن النصوص لا تدل على ذلك بل تخبر بأن هذا واقع في الأمة لا محالة. ويهلك بسببه أكثر الأمة أو يهلك من بسببه أكثر الأمة ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله وأخذ بأسباب النجاة فلا يجوز للمسلم أن يركن إلى الفتن وأهلها بل عليه أن يدفعها لأن دفع هذه الفتن بما يستطيع الإنسان من أسباب مشروعة واجب شرعا على العام والخاص من هذه الأمة. Donc, le Cheikh, il explique que la signification de ces hadiths-là, quand on dit que ces divisions-là et ces fitanes vont se produire dans ce que Allah a prédestiné, ça ne veut pas dire que l'homme ne doit pas prendre les moyens de se préserver et de chercher les causes pour être sauvé de ces différentes épreuves. Parce que les textes qu'on a lus ne viennent pas nous dire qu'il faut juste être... disons, comme on dit parfois, juste passif ou bien comme si accepter ces choses-là dans le sens que tu vas rien faire pour essayer de résoudre ces problèmes ou bien trouver le remède à ces problèmes ou bien se sauver ou se protéger de ces problèmes-là. Donc la seule chose que ces hadiths-là nous disent, c'est que ces choses-là vont se produire. Il n'y a pas de doute qu'elles vont se produire et on ne peut pas s'en échapper. Dans le sens que on ne peut pas faire en sorte qu'elles ne vont pas arriver. Sauf que on peut prendre les moyens nécessaires pour essayer de se protéger de ces fitanes et essayer de trouver les causes et essayer, inshallah, de remédier à ces problèmes-là. Comme par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que la Ummah va se diviser en différentes sectes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être satisfait de ces différentes sectes-là. Et ça ne veut pas dire qu'il faut accepter ces sectes. Ça veut dire au contraire qu'il faut essayer de diminuer la division et l'égarement en appelant les gens au Coran et à la Sunna et en s'accrochant à la aqidah des salafs, justement pour être parmi le groupe qui va être sauvé et qui va être au paradis et qui va faire partie de la jama'a. Donc en fait c'est ce que ça signifie. Et donc le musulman, il ne doit pas juste s'abandonner aux fitanes et sans essayer de les repousser ou de s'en protéger ou de chercher les causes pour s'en éloigner ou des choses de ce genre. Au contraire, il faut faire tout ce qui est permis selon la charia, tout ce qui est possible est permis pour essayer de s'en écarter, que ce soit des fitanes qui sont générales ou des fitanes qui sont particulières. Et même si d'une certaine façon, comme on a mentionné hier, on a dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple ou aime des gens, il leur donne des épreuves ou il les éprouve, eh bien ça ne veut pas dire que il faut souhaiter la fitna pour nous-mêmes ou souhaiter les épreuves pour nous-mêmes et aimer ça. Au contraire, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre les fitanes et de les éloigner de nous. D'accord? Mais lorsqu'elles se produisent, alors il faut demander la protection d'Allah et chercher les moyens nécessaires pour s'en écarter et pour en être protégé. Le Cheikh il dit « Wa sayati fil mabahith al qadima » إن شاء الله الوسائل المنجية أو المنجية من هذه الفتن نسأل الله العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. السبب الثاني موت النبي صلى الله عليه وسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة الإسلامية، فبموته صلى الله عليه وسلم انقطع خبر السماء عن الأرض بما فيه من نور وخير وهدى وصلاح لأمر الناس في معايشهم ومعادهم. فعن أنس رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنهم وعنهما انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء وجعل يبكيان معها. Donc le Cheikh il dit que parmi les causes des épreuves il y a par exemple la mort du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. Et la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une parmi les épreuves les plus grandes par laquelle cette Ummah a été éprouvée. Parce que par la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les informations du ciel se sont arrêtées. On cessait de descendre. Et avec ce qu'elles contiennent de lumière, de bien et de guidance et de réforme pour les hommes dans leur vie et dans dans tout ce qui a rapport avec leur religion et leur résurrection par la suite. Donc, il mentionne un hadith rapporté selon Anas, radiyallahu anhu, dans lequel il dit que Abu Bakr, radiyallahu anhu, après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Omar, allons ensemble visiter Ayman, comme on avait l'habitude de la visiter lorsque on était avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, lorsqu'on est arrivé voir Ayman, ils sont arrivés les deux et ils ont vu qu'elle pleurait. Alors, ils ont demandé à Ayman, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ne sais-tu pas que ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a auprès de son Seigneur est meilleur pour lui que qu'est-ce qu'il avait dans cette dunya? Alors, elle a dit, je ne pleure pas, parce que j'ignore que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais je pleure parce que la révélation s'est arrêtée. La révélation qui descend du ciel s'est arrêtée. C'est-à-dire, il n'y a plus de révélation qui descend. Et lorsqu'elle a dit ça, elle les a amenés aux larmes. Et ils ont commencé, eux aussi, à pleurer. C'est-à-dire, Abu Bakr et Omar se sont mis à pleurer, eux aussi, avec elle. Et ça, c'est rapporté par l'imam muslim. وبموته صلى الله عليه وسلم فقدت الأمة الإمام المعصوم والأسوة الحسنة والحكم العدل الذي ترجع إليه عند الاختلاف. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآيات في هذا المعنى كثيرة. Donc le cheikh, il mentionne que avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont perdu leur guide infaillible et leur bon exemple et le juge juste vers qui ils retournaient lors de leur divergence. Et il mentionne le verset 51 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, la parole des croyants, lorsqu'ils sont invités à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, est uniquement de dire, nous avons entendu et nous obéissons. Et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Puis il mentionne les versets 54 et 55 dans Surat An-Nur, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et s'ils se détournent, alors ils auront à porter la charge de ce qu'ils ont à porter, et vous n'aurez qu'à porter ce que vous avez comme charge à porter. Et si vous obéissez, vous serez bien guidés. » Et il n'encombre il n'incombe au messager que de transmettre la transmission claire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru d'entre vous et qui font les bonnes œuvres qu'ils allaient leur donner la succession sur la terre comme il l'avait donné à ceux qui étaient là avant eux et qu'il allait mettre ou donner à leur religion la stabilité sur la terre et la suprématie sur la terre, c'est-à-dire qu'il allait donner à leur religion, qu'il a agréé pour eux la suprématie sur la terre et qu'il allait leur transformer leur état de crainte en état de sécurité. Et à condition, bien entendu, qu'ils m'adorent moi seul et qu'ils ne font aucune forme d'association avec moi, qu'ils n'associent rien avec moi. Et quiconque m'écroit ou rejette la foi après cela, alors certes, ils sont les pécheurs. Et il dit wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasul illa li yuta' bi idhnillah. Nous n'avons envoyé de messager excepté pour qu'il soit obéi par la permission d'Allah. On va s'arrêter pour le adhan et puis inshallah on continuera après la prière ou bien après le adhan de Asr inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.